D'un signe, comme s'il suffisait d'un rien pour te satisfaire. Déjeuner en temps de faire la paix, t'as rien, juste déjeuner tranquille, une trêve, juste un abandon, juste une trêve, un abandon, une pause dans la wow. everywhere is JP, War, Matthias, Maybe Robby, Ninjam, Giorgio, Sacha, International, Wadey, Yann Le Rouge, No. About to listen. About to make noise. Push the presence door. Yeah. I'm afraid. Push with me. Present the push with Wadey and Yann Le Rouge. Together. X. Transform. Épouse. Digère. Transforme l'atmosphère. Truc de dingue, truc de fou, truc de psycho. Remonte des pattes jusqu'au cerveau. Truc de dingue, truc de fou, truc de dingue, fou, remonte des pattes jusqu'au cerveau. Say what? Oh, faisant n'importe quoi pour combler, meubler mes compagnes. Aligné sur le champ de bataille, placé en ordre de bataille. Ouais. Ouais. J'ai plus de micro. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. J'ai pas de retour en tout cas. Ouais. L'Empire. Pourquoi les légions, tant de légions sont tombées? Malgré l'Empire, derrière. Pourquoi tendons vers l'Empire, malgré légion, malgré temps, malgré le temps vers lequel nous tendons. Légion perdue. Malgré le temps vers. Nous sommes Légion. Ouais. Bon, c'est Yann le Rouge. Hein. Il m'a laissé la batterie et c'est pour ça qu'on s'arrête parce qu'il m'a laissé la batterie. Hein? Ah, ok. Direct live, c'est les inconvénients du direct live. Ninja Message with Wadey. Thank you. Janvier 2026. Trop content d'avoir Wendy à la maison. Recommencer une saison. Pas tout prendre, on peut pas tout prendre. Faut partager. About to listen, about to make noise, about to share. Jamais si ça va être bien. Alors parfois, qui sait? aurons-nous le courage? Dans le vent glacé, après tant d'épreuves, occupant la place des autres, occupant condition. Fire. un mec faillé. I know how to make a fire. Oh, I got the power. Oh, I got the power. Quelques années de l'uranium. En 40 000 ans de la braise à l'uranium. Affiné, affiné grâce à des process. Ça permet d'abord de des armes de destruction massive, des armes. C'est le marché, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui fait bouffer. Nous sauver. Avec un gospel. Effaré par les phares. Ah. Ébloui par les ailes dorées. Les phares et pharons. Des femmes, des archanges dorés. On pourrait croire encore à tout ça, à tout ce spectacle, encore quelques minutes, quelques temps. Thank you. comme on croit encore. À croire. Quoi? Faudra-t-il vraiment finir sur la croix pour être sauvé? Ou encore tomber dans le caniveau plus bas? Dieu, les maîtres, les esclaves. Trouvant des solutions plutôt que des coupables. Trouvant des solutions plutôt que des coupables. Ça demande à discuter. Ça demande à se rencontrer. Frotter. Ça demande à parler. Réfléchir un petit peu, prendre le temps, réfléchir un petit peu. Thank you very much. On a plus le visuel sur le visuel. À l'aveugle, Waidi, Yann Rouge. Exactement. After répétition. Fin de semaine, jeudi 22 janvier 2026. Fin de semaine, jeudi. Nous sommes là. Jeudi. Voilà, une jam session quand même. Mais c'est bien. Putain. Thank you. Non, du coup, on sait même pas ici, mais il y a encore des gens. Pa-la-pa-pa-pa. Aucun retour là. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne voit plus. On ne peut pas avoir les deux fenêtres. Non, il faut. Ah. Il est là. Non.